Du 9 au 21 juillet, la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon, ouvre ses micros et fait résonner les voix des créateurs français originaires des Caraïbes, de Guyane, du Pacifique et de l'océan Indien. Bonjour à tous, nous sommes en direct d'Avignon au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné pour l'émission Grand Large avec laquelle nous partirons chaque jour à la rencontre des créateurs invités à cette 21e édition du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, de tous ces artistes qui sont porteurs de ces cultures françaises des Grands Larges pendant le Festival Off d'Avignon 2018. Aujourd'hui, nous clôturons notre cycle des écrans du Tout Monde avec Milena Kartofsky. José et Joël Gernidier nous rejoindront pour parler de leur spectacle Circulé qui a lieu à 19h40 au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Et bien sûr, nous continuerons à voyager parmi des paroles poétiques et engagées. Bonjour Estelle. Bonjour Savannah. Vous êtes partie à la rencontre de Milena Kartofsky, l'auteur de L'Eros, un exil insulaire chez les Danais. Oui, j'ai pu assister à ce spectacle lors des écrans du Tout Monde, mardi 17 juillet à la chapelle du Verbe Incarné. Et je suis allée parler ensuite à Milena Kartofsky, je m'applique, Ayash, pour qu'elle nous parle un peu plus de sa création et puis de la situation sur l'île de L'Eros. Ayash, vous êtes venue nous présenter à la chapelle du Verbe Incarné L'Eros, un exil insulaire chez les Danais. C'est un oratorio en 10 chants. C'est aussi la projection d'images tournées à L'Eros à partir de 2016. On y découvre un camp de réfugiés d'une capacité d'un millier de personnes environ, et particulièrement des familles yézidis poussées hors d'Irak par les massacres de Daesh. Vous êtes trois comédiennes, vous étiez en tout cas trois comédiennes ce matin. Vous jouez peu, voire pas sur la scène, mais principalement au cœur du public. Vous revendiquez de créer une nouvelle forme de votre spectacle à chaque fois que vous changez d'endroit de représentation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre théâtre? Qu'est-ce que c'est que cette forme-là? Est-ce que c'est une performance, une lecture, ou est-ce qu'on peut parler peut-être de poésie documentaire? Quand on crée, je pense que c'est l'imaginaire qui se déploie, et en fonction des nécessités de la parole poétique qui doit se dire et qui doit être partagé, les médiums sont différents. Donc voilà, j'ai commencé par écrire un oratorio en 10 chants qui peut être aussi une sorte d'ethnographie de l'île, mais qui passe par une transformation de la langue. Et puis petit à petit, l'équipe s'est constituée, donc on a mené des recherches avec les scénographes, les comédiennes. J'ai essayé de leur transmettre l'histoire que j'avais vécue, qu'elles s'en emparent. En fait, pour moi, j'ai été témoin d'un pan de vie à L'Eros, de ces yézidis réfugiés, des habitants, des travailleurs d'ONG, et comment je peux devenir passeuse. À ce moment-là, le terme passeur étant bien sûr aussi connoté, puisque ce sont les passeurs qui font passer les réfugiés d'une rive à l'autre et qui conduisent souvent au naufrage. Et c'est vraiment cette question-là, comment cette parole de vie peut être transmise et entendue. Est-ce que vous essayez, à l'intérieur de cette forme théâtrale, de faire vivre une expérience au public plutôt que de lui raconter quelque chose? C'est tout à fait ça. L'idée, pour moi, c'est que la performance, le spectacle vivant, est un moment de traversée collective et donc d'expérience, je veux dire au sens grec, de catharsis, où quelque chose va se transformer en nous tous, à la fois personnellement et collectivement. Et donc, on ne peut pas en sortir indemne pour le meilleur et pour le pire. Et cette histoire, voilà, je l'ai transmise. Maintenant, l'équipe la porte et le public qui décide de venir partager avec nous s'engage quelque part. Il peut reculer, mais au moment où il décide de s'avancer, on est ensemble sur ce navire. Et à ce moment-là, ça va être toute cette question aussi de l'immersion et de pouvoir naviguer ensemble. Et donc là se pose la question du dispositif, en fait. Comment on peut éventuellement casser un quatrième mur, se faire face aussi, si on est sur un quadrifrontal ou sur un cercle, s'il y a des voix qui viennent de derrière, et effectivement de retrouver aussi la multiplicité de cette île et puis ses fantômes. On comprend que vous faites vivre, enfin vous partagez cette aventure avec le public. Alors on parle des Yézidis, mais moi je ne suis pas certaine que tous les gens qui nous écoutent sachent qui ils sont. Ce sont des Kurdes ? Alors non, ce ne sont pas des Kurdes. En tout cas, ils vous diront que les Kurdes étaient des Yézidis, mais qu'ils sont des Yézidis assimilés. Et pour une grande majorité, devenus aussi musulmans. Les Yézidis, c'est un peuple millénaire qui a plus de 6000 ans, qui vient de la région du Kurdistan irakien, donc, dont le berceau est à la fois en Irak, en Syrie, même en Iran. C'est très proche du zoroastrisme dans leur croyance. Leur dieu est représenté par un paon, un magnifique paon qui s'appelle Taos Malek, qui est venu sur terre. Et ils ont une pensée, des croyances animistes, dirons-nous, puisque le soleil est extrêmement important pour prier. Les éléments, la terre, l'eau, par exemple, ils ne peuvent pas porter de bleu, parce que porter du bleu, c'est défier le bleu du ciel, donc quelque part la perfection. C'est un peuple de bergers. Qui aujourd'hui, bien sûr, s'urbanise. Et puis, bon, une énorme partie de la population est dans les camps de réfugiés au Kurdistan irakien. Pour une grande partie, c'est des rescapés du génocide. Et voilà, c'est un peuple qui a été perpétuellement persécuté parce qu'ils sont considérés comme des adorateurs du diable, comme ils n'ont pas de livre. Ils disent que leur livre saint a disparu. Et voilà, les prières qu'ils ont sont orales et se transmettent de génération en génération par les chers. Alors, ils se retrouvent en effet beaucoup dans des camps de réfugiés. Léros, c'est en gros à 25 000 nautiques des côtes turques. C'est une île grecque du Dodécanèse avec une population, si on ne compte pas les réfugiés, de 7 000 personnes. Elle abrite ce camp. Elle abrite aussi un ancien hôpital psychiatrique. Et puis beaucoup de militaires. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette île aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive ? C'est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit en arrivant ? Quand on arrive, déjà c'est différent quand on arrive par ferry ou quand on arrive par avion. Il y a 2 avions par semaine et il y a 3 ferries par semaine. Tout petit avion, bien entendu. C'est une terre rugueuse, sèche. Une terre difficile, très caillouteuse, et avec des côtes absolument sublimes. Mais c'est aussi une île, quand on monte sur ses hauteurs, où il y a plein de bâtiments qui ressemblent à des prisons. Et pour le coup, c'était des bâtiments militaires, certains étaient des prisons. Quand on va dans le port de Laki, il y a des édifices qui avaient été construits par les Italiens et qui ressemblent vraiment à des palais vénitiens, ce qui est très troublant. Et puis, ça peut aller d'une marina sur la côte est de l'île. La baie, en fait, où se trouve la baie de Lapida, où aujourd'hui sont les militaires grecs. Donc c'est une zone qu'on ne peut pas pénétrer. Et juste à côté, en fait, sont les hôpitaux psychiatriques abandonnés. Le camp de réfugiés et puis les patients qui sont aujourd'hui, qui ont été sortis de ces hôpitaux psychiatriques et qui sont dans des villas. Donc c'est très étrange. Je pense que si on passe en voiture, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Il faut s'approcher et il faut pénétrer son histoire strate par strate. Alors justement, Milena, qu'est-ce qui vous a poussé la première fois à aller sur cette île de Léros ? Je ne connaissais pas du tout son existence et j'étais assez désespérée par la situation qu'on vivait en France et à Paris, avec tous ces exilés qui étaient à quelques stations de métro de chez moi, dans la rue. Et mon aide était une goutte d'eau qui ne servait absolument à rien, avec les disputes d'associations perpétuelles et puis l'État absent. Et je me suis dit naïvement que partir dans un microcosme m'aiderait peut-être à mieux comprendre ce qui était en train de se jouer. Parce que ce n'est pas la question de la crise migratoire. Je veux dire, on a réussi en France et ailleurs à accueillir, à la fin de la guerre d'Algérie, au moment de la guerre du Vietnam, des centaines de milliers de personnes. La crise, elle est interne, en fait, dans le refermement de nos États-nations et de nos humanités propres. Et j'ai voulu aller aux confins de l'Europe et, on va dire, proche du Moyen-Orient, qui est à feu et à sang, où j'ai vécu aussi, d'ailleurs. Et je me suis dit que peut-être sur une île, je toucherais un peu mieux ce qui était en train de se jouer. Je pensais à Lesbos, que vous connaissez. Et un ami qui travaille à l'ONU m'a dit « N'y va pas, il y a pléthore de journalistes, d'anthropologues. » Je me suis dit « Oui, ça va être indécent, ça va être comme à Calais. Je veux aller là où je peux être utile et vraiment donner un coup de main. » Il m'a dit « Tu devrais aller à l'Hérault s'il n'y a personne. Il y a vraiment besoin. » Alors, où va cet oratorio après, Milena, après Avignon? Quelle est votre prochaine étape? Après Avignon, à la rentrée à Paris, on va faire une semaine de résidence à Gare au Théâtre. Et puis, on va faire une prochaine étape de création au Théâtre du Soleil, le 20 septembre. Donc, on se donne rendez-vous à Vitry-sur-Seine, c'est ça, Gare au Théâtre? Oui, mais surtout, ça, ce sera une résidence. Et voilà. On se donne rendez-vous à la Cartoucherie. Et voilà, le 20 septembre, dans le cadre d'un festival sur récits, histoires de vie, mise en scène, donc en lien avec ce que j'appellerais plutôt le théâtre anthropologique que documentaire, puisqu'il part d'un travail de terrain de plusieurs compagnies et travaille avec des populations et des témoins. Eh bien, merci beaucoup, Milena, d'être passée et d'être venue répondre à nos questions. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Grand Large sur la radio du Thomas, théâtre d'outre-mer en Avignon. Aujourd'hui, dans Parole d'Edouard Glissant, on entendra parler de l'écrivain franco-tunisien Abdelwahab Medeb. Alors, on vous invite à participer à notre jeu concours en répondant à la question suivante. Pour quelle chaîne de radio française a-t-il créé à la fin des années 90 l'émission Culture d'Islam ? Pour répondre, vous avez jusqu'au vendredi 20 juillet sur notre page Facebook La Chapelle du Verbe Incarné. Il suffit de nous envoyer un message commençant par les mots concours radio accompagnés de votre réponse. Un tirage au sort désignera deux gagnants d'un bijou de notre partenaire Banana Bijoux. À présent, un petit moment d'Edouard Glissant. Parole d'Edouard Glissant, une série radiophonique en 12 épisodes, présentée par Raphaël Laureau, en collaboration avec l'Institut du Tout-Monde. Mars 2005, Salon du Livre de Paris. Invité à parler de la Koweï du Lamantin dans l'émission Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, Edouard Glissant évoque avec son ami poète et traducteur le mythe andalou, ses contacts avec le monde islamique, l'énergie de poésie d'Abou Yazid al-Bistami et la notion de débord, centrale dans le soufisme. Il est aussi question dans cet entretien de théâtre, à travers le souvenir de Kateb Yassine. Au moment où nous nous rencontrions, par exemple avec Kateb Yassine à Paris, l'idée d'une éruption de l'intégrisme n'était pas évidente. Mais il y avait, chez Kateb en particulier, une appréhension. Et après, quand il est rentré en Algérie et qu'il a fait ce théâtre populaire avec des textes qu'il écrivait en vulgaire, arabe, en arabe dialectal. En arabe dialectal, cette fois-ci. Mais à ce moment-là, il a été en butte aux menaces des premiers intégrismes qui lui reprochaient de jouer du théâtre sur les places publiques avec des jeunes filles qui étaient dévoilées ou qui disaient des textes qu'elles ne devraient pas dire, etc. Il a reçu des menaces, etc. Mais avant cela, il y avait eu le rêve, cette espèce d'Eldorado que constituaient les cultures arabo-andalouses. Tout le monde rêvait de ça. Il y avait le mythe, d'abord, d'une sorte de rencontre dans cette culture qui faisait qu'on rêvait que Avicenne et Averroès étaient l'un juif, l'autre arabe, et étaient à l'aide de connivence. Et il y avait cette espèce de fascination pour cette période de l'histoire occidentale qu'a été la culture arabo-andalouse. Et je crois que ça, personnellement, ça m'a

en Guadeloupe parce que c'était la période de revendication identitaire, revendication nationaliste, etc. Et donc, on commençait à parler de l'esclavage, de tout ce qui s'est passé dans l'histoire du pays. Donc, on commençait à revendiquer notre culture, etc. On était dans ça. Je constate que ces improvisations, j'avais toujours quelque chose à structurer là-dedans. C'est-à-dire, c'était des improvisations, mais à un moment donné, j'étais celui qui disait, bon, ben, on va conserver telle réplique, on va, donc finalement, ça, c'était plus, à la fin, c'était plus une improvisation, c'était quand même quelque chose de fixé. J'ai su après que c'était la mise en scène. Et après, bon, j'ai commencé à écrire, quoi. Je crois que depuis que j'ai commencé à faire du théâtre, je pense à tous les jours, je baigne dans le théâtre tous les jours. Je ne suis pas entré dans le théâtre par la voie professionnelle, donc j'avais un métier, enseignant. Alors, c'est assez bizarre parce que j'enseignais la gestion en lycée. Et maintenant, depuis quelques années, je suis professeur de théâtre. Donc, ça me plaît beaucoup d'enseigner. Je transmets cette passion. Et puisque souvent, les élèves qui passent par moi, bien souvent, bien, gardent cette passion du théâtre, me disent qu'ils ont découvert le théâtre et qu'ils aiment beaucoup. Malheureusement, pour le moment, on ne les retrouve pas sur scène. Je souhaite qu'on puisse retrouver ces jeunes-là au théâtre. Donc, ça veut dire qu'on leur donne les moyens pour qu'ils puissent croire en ce métier, puisque c'est un métier. Donc, il y a une génération qui est là depuis quelques années. Je pense qu'il est nécessaire que la relève se fasse, quoi. Joël Gernidier, comment est né ce texte circulé ? Ce texte est né tout simplement d'une commande. Enfin, la première mouture du texte, on va dire, est née d'une commande de la sécurité routière, tout simplement. Mais après... Quand José a fini d'écrire ce texte, je jouais déjà le rôle que je joue là. Et on en parlait souvent et je lui ai dit, et il me disait aussi qu'il sentait qu'il y avait quelque chose à fouiller dans ce texte. Et à force parce que José et moi, on est très très très proches, parce qu'on discute très très très souvent, et on a beaucoup échangé autour de ce texte. Et un jour, je lui ai dit, remets-toi à écrire, vas-y. Et après, il s'est remis dessus. Et après, quand on a repris la pièce en 2017 aussi avec le metteur en scène, on a fait ce qu'on appelle le working progress. Donc, pendant qu'on travaillait, on répétait et il écrivait le soir comme ça régulièrement. Le lendemain, il arrivait avec deux, trois pages et la pièce s'est construite comme ça au fur et à mesure. Et donc, ce texte-là, c'est exactement son histoire. Voilà. Ce qu'on ressent bien dans cette pièce, c'est le mélange entre la tradition et la modernité. Oui, bien sûr, puisque nous sommes dedans, absolument, dans cette pièce, absolument, oui, c'est clair. C'était important pour vous de mélanger vraiment les deux. Oui, puisque vu l'histoire que ça traite, c'était très important pour nous, quoi, absolument. Alors, je vais vous faire réagir sur un extrait d'un texte que vous connaissez. Monsieur l'inspecteur voudrait simplement que les accès soient libres pour laisser passer les services de secours. Pompiers, police, gendarmerie puissent faire leur travail en toute sécurité. Exactement comme cela se passe dans le pays en dehors où monsieur l'inspecteur a appris son métier. Un pays où, semble-t-il, chaque chose est à sa place, où les us et coutumes sont millénaires, un pays où les règles sont définitivement établies. Oui, mais monsieur l'inspecteur est ici, il n'est pas d'ici, il est peut-être resté trop longtemps dans son pays en dehors. Il est resté 25 ans en métropole, comme il dit si bien. Et ce texte-là, c'est un peu la confrontation entre deux façons d'être antillais. Il y a l'antillais qui a vécu, comme on dit, presque trop longtemps là-bas. Donc il veut revenir avec poser sa manière de fonctionner qui pour lui, soi-disant entre guillemets, et comme ça. Ça me rappelle d'ailleurs quand j'étais jeune, quand nos premiers parents, quand ils partaient en France et revenaient, et c'était les premiers donneurs de leçons. Donc ils voulaient tout nous montrer, quoi, c'est-à-dire nous dire que là-bas c'est comme ça, donc vous devez faire comme ça, et puis et c'était que ça. Mais il y a aussi, de toute façon, de bonnes choses que l'inspecteur peut porter aussi. Donc voilà. Comment se passe le théâtre en Guadeloupe ? Le théâtre en Guadeloupe, comme le disait José dans le portrait, il y a de belles choses qui se font, mais on a un vrai problème de génération de théâtre. C'est-à-dire que moi, ça fait maintenant bientôt 25-30 ans que je suis dans le métier, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres générations après nous. Donc, nous, on a un vrai problème de formation. D'ailleurs, il y a tout un travail que la région Guadeloupe est en train d'essayer de faire avec... travailler déjà, ils forment les formateurs, une formation de formateurs. Mais aussi, moi, par exemple, je fais un travail aussi avec les jeunes. Souvent, je travaille j'interviens dans les lycées. J'essaye, en tout cas, de faire en sorte que les jeunes puissent continuer à faire le théâtre après. Parce que José, il a des élèves, par exemple, quand ils passent leur bac, après, ils partent faire leurs études et le théâtre, c'est oublié, quoi. Et parce qu'il n'y a pas une suite derrière. C'est notre vrai problème avec le théâtre en Guadeloupe, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de relève. On arrive à jouer au fur et à mesure parce qu'il y a, le CEDAC qui fait une, quand on crée une pièce, on a une tournée tout de suite de minimum quand même 10 dates, ce qui est très très bien maintenant, puisque très souvent avant on créait, on jouait 3 fois. Voilà. Mais aussi, il y a des compagnies comme Nayo Concept. Nous, on a décidé aussi maintenant qu'on allait vers le public, c'est-à-dire qu'on emmène le théâtre un peu partout, même dans des endroits où techniquement c'est difficile. Mais nous essayons de trouver des solutions pour jouer, emmener le théâtre. Et après, des gens, par exemple, on va dans les communes jouer. Et maintenant, quand on joue à l'archipel ou bien quand on joue au Mémorial Lact ou quoi que ce soit, on retrouve des gens qu'on a peut-être vus, qu'on est allé par exemple à Port-Louis ou quoi que ce soit, qu'on les retrouve, qui viennent maintenant, qui commencent à faire le déplacement pour aller au théâtre. Donc on met le théâtre à l'épreuve du lieu chez nous, quoi, parce qu'il faut pas qu'on fonctionne comme s'il y avait un théâtre à chaque coin de rue, quoi, ça c'est clair. Donc il faut faire ce travail-là qu'on a décidé de faire dans ma compagnie, voilà. Du coup, qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui de venir présenter votre spectacle dans un lieu comme celui-ci, dans le théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, qui accompagne vraiment, qui soutient les spectacles ultramarins? C'est clair qu'on a ici à la Chapelle, ça nous permet d'avoir une certaine visibilité, ça c'est clair. C'est beaucoup de travail, mais il faut le faire parce que demain, je sais pas, peut-être qu'il y aura des programmateurs qui vont passer, qui vont pouvoir faire en sorte que la pièce se joue ailleurs. C'est le but, en tout cas. Mais c'est de toute façon, quand on fait du théâtre, c'est pour se déplacer, aller jouer. Là, par exemple, on a joué au mois d'octobre dernier au théâtre de l'Épée de Bois à Paris. C'était un challenge. On l'a fait. On est allé, on a joué. Et ça s'est très bien passé. On a eu un bon public, en plus un public très mélangé. Toujours continuer, quoi. Toujours continuer à y croire, parce que le théâtre, c'est pas facile, surtout quand on a en plus les 8000 km où chaque fois qu'on doit tourner, il y a un investissement beaucoup plus cher que si on habite à Paris et qu'on doit aller à Marseille, on prend le train, point. Mais nous, il y a tout derrière, quoi. Voilà. Mais on ne se plaît pas, on aime notre métier, on continue. Eh bien, nous vous invitons à venir voir ce spectacle Circuler, donc qui se joue à 19h40 au Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné. Demain, relâche. Demain, relâche, oui, ça va faire du bien, on va se reposer un peu. Alors, le Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné est parti à la rencontre d'enfants venus de Guadeloupe pour découvrir le Festival OFF d'Avignon. Je m'appelle Maëlys, j'ai 8 ans et je suis dans le projet Avignon 2018. Je suis conseillère pédagogique EPS, EPS avec une option danse. Depuis 11 ans, et depuis 11 ans, je n'ai de cesse de développer des projets danse au départ, puis artistique, donc, passant par la musique et par le théâtre. Donc forcément, chaque année, on monte un petit peu plus en compétences. Et ce festival d'Avignon est connu, de toute la France métropolitaine hexagonale. Et j'ai eu envie que les enfants voient autre chose. Voilà, découvre l'art dans une autre dimension, dans un autre espace. On a fait un long voyage pour venir ici au Festival d'Avignon et on est très heureux de venir ici pour découvrir la France. Actuellement, si on veut faire évoluer les enfants, il faut sortir des murs de l'école, il faut travailler autrement en leur apportant quelque chose qui va les toucher et qui va faire briller leurs yeux. C'est qu'il y a plein de monuments comparés à la Guadeloupe et il y a plus de choses qu'en Guadeloupe. Notre invité surprise est romancier et animateur de télévision. Il est venu interpréter sa pièce « La faute d'orthographe et ma langue maternelle » en 2012 au Théâtre de la Chapelle du Verbe incarné. Bonjour Daniel Picouli. Bonjour. Est-ce que vous trouvez que c'est important de sensibiliser des enfants guadeloupéens à une telle aventure comme le Festival of d'Avignon ? C'est essentiel. Sensibiliser les enfants, d'où qu'ils soient, qu'ils soient de Guadeloupe, de métropole, que ces petits bambins. D'ailleurs, j'essaie d'aller voir des spectacles pour enfants. J'en ai déjà vu un. Et ce qui est fou, c'est la passion de ces gosses-là. Quand ils sont dans la salle, quand ils en sortent, les parents qui les accompagnent, les éducateurs. Et en même temps, on a le sentiment effectivement que c'est une sorte d'investissement dans l'avenir. Et il y a, parce que j'écoutais sur la relève, la relève, c'est partout où on est en situation de faire, on s'inquiète pour la relève, on s'inquiète pour les jeunes gens. Même moi, j'ai une émission littéraire et je m'inquiète pour la littérature antillaise, guadeloupéenne, martiniquaise, où j'ai le sentiment, comme peut-être pour le théâtre, qu'il n'y a pas derrière cette appétence, cette envie ou ces structures d'accueil. Parce que ce n'est pas simplement une affaire d'envie. Il faut que les jeunes qui veulent faire du théâtre puissent trouver l'endroit où aller poser leurs rêves, où aller poser leurs passions, leurs envies. C'est surtout ça, quoi. C'est comme quand on était gosse, on avait une MJC, c'est tout dans mon quartier, voilà, j'avais une MJC et j'essayais de comprendre ce qui s'y passe et même d'y entrer, c'était pas facile. Moi, j'avais, ça va pas de soi d'entrer dans un lieu culturel, d'entrer dans un théâtre, d'entrer dans une bibliothèque, d'entrer dans un musée. Si on comprend ça déjà, eh bien évidemment, on essaie de faciliter l'accès. Mais je voudrais revenir sur Circuler parce que moi, je l'ai vu. Bien sûr, parce que j'ai beaucoup aimé ce texte qui, pour moi, est plus métaphorique. C'est vrai que moi, même, il pourrait s'appeler l'accident, pour moi, mais parce que c'est ce qui est dit sur... Ce n'est pas l'histoire d'un accident, mais c'est l'accident de l'histoire. Moi, je trouve que c'est une très, très belle formule et qui dit très bien ce qu'il en est de ce texte, qui est déroutant, parce qu'il y a une approche, un début surréaliste, hein. C'est-à-dire qu'on est dans des dialogues où on ne sait pas de quoi on parle, et on est, je veux dire, dans le théâtre, aussi bien le théâtre surréaliste que des fois des répliques à la De Vos, c'est-à-dire ils se parlent, deux personnes se parlent, mais ils ne se parlent pas, et ce qui est en même temps le thème, parce que ces deux personnes se parlent mais ne se parlent pas, tout simplement parce qu'elles lui... Même si elles ont les apparences d'une parenté, d'une communauté culturelle, non, elles sont de deux mondes radicalement différents. Et il y a en plus dans ce spectacle, hein, d'abord moi je suis, en même temps je me sens à ma place et pas à ma place, parce que je suis un handicapé du créole. Moi je suis d'origine martiniquaise, ça remonte à mon grand-père, mais ils sont venus en métro, j'ai jamais entendu le créole, et donc je suis de ceux qui doivent suivre les sous-titres comme ça, et qui sont un petit peu ils sont un petit peu crispés, parce qu'il faut emboîter tout ce qui se dit en français, en créole. Bon, voilà. Donc j'étais dans cette situation-là. Et en même temps, il y a des passages qui sont très, très étonnants, qui sont ces moments où le noir se fait et les acteurs dansent. Et ils sont comme pris par leur racine, comme pris par quelque chose qui vient de très loin. Et là, à ce moment-là, ils se ressemblent. C'est-à-dire qu'ils ont, dans ces moments-là, ils ont là les mêmes origines. Mais qui, dès qu'on remet la lumière, ne s'exprime pas de la même façon, parce qu'on est passé par 25 ans de lessiveuse en métropole pour l'un, et l'autre est là. Et je trouve que ça, c'est très, très bien mené. Quoi, ça, et pour moi, c'est extrêmement différent de ce que j'ai pu, parce que je viens ici régulièrement au Thomas, je suis le spectacle. Et ce spectacle, en ça, est extrêmement différent. C'est une écriture que je me permettrais de dire gonflée. C'est gonflé. C'est très osé de faire ça. C'est-à-dire que ça demande en même temps une grande confiance dans le spectateur et dans ce qu'on a fait. Et ils ont raison, parce que ça marche, on fonctionne, et on roule, quoi, on circule, quoi. Mais ça, c'est, moi, j'ai trouvé ça formidable, parce que ça n'a... c'est parce que des fois, je parle en dehors des gens, du Thomas, et ils me parlent, ils ont une idée, peut-être, du Thomas, presque d'un théâtre folklorique, d'un théâtre qui importe des... Non, venez voir, c'est aussi moderne que ce qu'on peut retrouver un petit peu partout. Moi, je me balade dans tout le off et je vais voir des spectacles de tous ordres. Et ce spectacle, je le trouve extraordinairement moderne d'écriture, de facture, d'ambition. Et j'aime sa forme métaphorique qui nous fait réfléchir très vite à toute autre chose que simplement un accident de la circulation. Et ça m'a... Voilà, je voulais... Parce que c'est... les spectacles sont là et vous entrez quand même, ça reste quand même magique, hein, le théâtre. Vous entrez, vous savez pas. Moi, je lis jamais les flyers, les fascicules. Je veux pas. Je veux que ce soit le spectacle, que ce soit la pièce, que ce soit... Qui me disent. Je veux pas qu'on me surligne. Moi aussi, j'étais prof. J'ai écouté le sonore tout à l'heure. Moi, j'étais prof de gestion aussi. J'étais prof de gestion. Donc, j'étais prof d'économie et gestion. voilà, parce que tout le monde pense que, puisque je suis écrivain maintenant, j'étais prof de lettres. Ah non, mais quand on vient d'un milieu populaire comme le mien, en seconde, on vous envoie en comptabilité. Hein, parce que, et surtout pas faire des lettres. Surtout pas faire des lettres. C'est pas pour vous, c'est pas pour toi. Ouais. Et c'est ce qu'on dit encore aux jeunes aujourd'hui, hein, dans les milieux où on considère que être acteur, bah quoi. Mais tu rêves, mon garçon, et comment tu vas vivre? Voilà. Et c'est aussi ça qu'il faut renverser. Et des fois, presque plus chez les parents et à l'institution, à l'école, quand on fait l'orientation. Et de toute façon, il devrait y avoir un club théâtre dans chaque collège, dans chaque lycée. C'est là que ça commence. L'envie, elle est là. Il faut la prendre là, quand elle est malléable. Voilà, quand on parlait des structures, de ce qu'on pourrait y faire. Mais moi, je trouve que beaucoup de gens y travaillent. Et même ces petits, j'entendais ces petits moutards là qui viennent et qui, ils se rendent pas compte. Mais il y a quelques années, jamais. Donc nous, on se plaint parce que ça passe assez vite. Ça passe assez vite. Mais là, aujourd'hui, les gosses d'aujourd'hui ont à disposition des choses que moi, je n'avais pas, que je pense... Et c'est ça aussi qu'il faut se dire. On a raison de rouspéter, de ne pas être content, de trouver que ça ne va pas assez vite. Mais il y a déjà là, s'ils s'emparent de ça, et en plus, ils ont une énergie quand même terrible, hein. Quand ils vont saisir le manche, ils vont le garder. Hein. C'est ça qui est bien, quoi. Enfin voilà. Bon, je voulais juste faire cette incise sur ce qui, parce que c'est moi, j'en parle. Je trouve que voilà, s'il y a là-dedans quelque chose. Puis alors, il y a un auteur, hein. Ça, c'est sûr. Il y a un auteur. Il y a une vraie patte, effectivement. Ouais, ouais. Ah, ouais. Du coup, en termes de structure, pour continuer à faire évoluer les mentalités, c'est important qu'il existe un lieu comme celui-ci, comme le théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, qui vraiment accompagne, soutient, met en valeur les spectacles ultramarins. Oui, bien sûr qu'il faut... et en même temps, il faut que ces lieux paraissent ouverts. C'est-à-dire ne paraissent pas... Moi je peux entendre le mot ghetto à l'extérieur. Hein. Je peux dire des gens qui craignent que ce soit un théâtre dans lequel on ne... Voilà, et donc il faut aussi... J'allais presque dire que dans une programmation, il faut aussi de ces produits d'appel qui font que les gens vont voir et vont dans le lieu, regardent les affiches autour et ont envie de venir, ne se sentent pas. Parce qu'il faut aussi comprendre que, par exemple, c'est dans un spectacle où il y a du créole, des gens peuvent se sentir... mis à l'écart parce qu'ils ne le parlent pas et qu'ils vont devoir jouer avec ça. C'est aussi de ça dont il s'agit. Il faut que ce soit un lieu où on entre, on se dit on va voir du théâtre. Voilà, on va voir du théâtre. Il n'y a pas besoin de qualificatif derrière le mot théâtre. Hein, il est là. Et après, les choses s'infusent d'elles-mêmes. Ce que ça a à dire, les auteurs le disent. Et ce qu'il y a de bien avec le théâtre, c'est qu'on se fait prendre comme ça, sans le savoir, doucement, par les mots, par des choses qui paraissent loin. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup circuler, parce que circuler, c'est on part de très loin. Quoi. Il y a une espèce de, on est sur une rue un peu comme ça. Et puis, paf, tout à coup, on prend dans la gueule qu'on est dans quelque chose d'autre qu'un accident de la route. Hein. Circuler, il y a quelque chose à voir, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Daniel Picouli, d'être passé nous voir. Ah, c'est un plaisir. Je vous propose de retrouver Nathalie Lollet. Les nouvelles aventures culturelles par Nathalie Lollet, du journal Antilla, l'hebdomadaire de l'actualité martiniquaise. Bel bonjour Avignon, bel bonjour Radio Thomas. Je suis d'ailleurs...